La sellette. Durant l'Ancien Régime, la sellette était un tabouret sur lequel étaient placés les prévenus. Cette pièce de bois, très basse, était taillée pour humilier l'accusé. Chambre des comparutions immédiates, Toulouse, octobre 2020. Un Tunisien à peine majeur comparé dans le box. Au cours d'un contrôle d'identité, les policiers se rendent compte qu'il est sous le coup d'une interdiction du territoire national. Il aurait dû être expulsé à la suite de son passage au centre de rétention administrative. La présidente lit d'une voix morne son casier judiciaire. 3 mois de prison pour vente de stupéfiants, vol aggravé, violence à l'entrée d'un local administratif. Pour le reste, sa vie, ses projets, la personne qu'il est, toutes ces choses paraît-il nécessaires à la personnalisation de la peine. On saura seulement qu'il travaille au noir dans le bâtiment et qu'il vit en squat. L'enquête de personnalité ne révèle pas grand-chose, pour ne pas dire rien. L'interprète traduit les explications du prévenu. Elles sont fort brèves. À sa sortie de prison, le confinement l'a empêché d'organiser son départ. Par sa voix, il supplie la présidente de lui accorder les 2 jours dont il a besoin pour récupérer son passeport et préparer son retour. Dans un dernier effort pour se faire entendre, il dit lui-même, en français, qu'il n'a pas mangé depuis 3 jours. La présidente note, placide. Il a reconnu donc. Le procureur demande 6 mois de prison avec maintien en détention. La défense non plus n'a pas envie d'y passer la nuit. Elle s'en remet platement au tribunal et se borne à signaler. N'ajoutons pas de la misère à une situation déjà misérable. Les juges délibèrent en un éclair. 5 mois de prison et maintien en détention. Rondement mené, l'audience a duré 10 minutes. 2 minutes par mois de prison. Affaire suivante. C'était La Sellette.